89.1. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Michel et Bruno ce soir, et vous le savez, deux bonnes heures de rock progressif, c'est ce que vous allez avoir. Et évidemment, comme d'habitude, on va commencer ce soir avec un petit rappel pour la convention. On va écouter du RPWL ou du RPVL, selon notre côté de l'Atlantique. Donc, c'est ça, une petite nouvelle, peut-être que... pas tout le monde sait, c'est que le groupe a accepté d'étirer un peu son séjour à Québec et il va présenter un second concert le lundi après-midi avant de quitter pour l'Allemagne. c'est très gentil de leur part, les gars, étant donné que c'est à guichet fermé pour le samedi et puis on avait encore de la demande, c'est vrai qu'ils ont accepté d'étirer leur séjour et puis de présenter un second concert et même... sympathique comme ça, ça se peut pas. Ils ont même décidé de présenter un concert complètement différent. Donc, le samedi soir, ils vont jouer leur dernier disque, Beyond Man and Time, plus quelques pièces. Et le lundi, rétrospective de leur carrière avec quelques petites surprises à la fin, style quelques classiques de Pink Floyd pour finir la journée. Donc, je pense que on sera pas déçus. Et puis, ça va être deux concerts complètement différents. Je dois lever mon chapeau à ces musiciens qui ont décidé de monter deux concerts plutôt qu'un. C'est assez inusité, surtout ils sont assez occupés de ce temps-ci parce qu'ils travaillent sur leur prochain DVD qui a été filmé il n'y a pas longtemps en Pologne. En tout cas, j'ai bien hâte de rencontrer ces gens-là. Ils ont l'air vraiment sympathiques. Donc, on va commencer avec un extrait de Start the Fire. Et puis, on a plein de nouveautés. Attendez un peu que je vous dise ça. On a le nouveau rétrospective. Ça, c'est quoi ici? Argos, Cruel Symmetry. Un Allemand qui faisait partie d'un groupe Skite, je me rappelle bien, dans les années 90. Et ça, c'est une belle petite découverte. Johannes Lulé, Tales from Sheepfather Groove. Et puis, c'est mon coup de cœur encore, comme d'habitude, à chaque fois qu'ils sortent un disque, les autres. Big Train, English Electric, Part 2. Les messieurs qui ne chôment pas par les temps qui courent, je pense que c'est quasiment un disque aux 8 mois, là, maintenant. Et puis, on s'en plaindra pas. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plein de bonnes musiques pour vous ce soir. C'est qu'on commence avec RPVL ou RPWL. I want you to collect magazines from everybody. Are you fucking crazy? What the hell are we supposed to use, man? Hard landing? Plane units only. I'm on rifle slot. Sir, I just do it, Sergeant. And no grenades. All right, sweethearts. You heard the man. Pull him out. Come on, let's have him. You got to do your best, man. To come to you. chasing the clouds. We'll be right back. for house of cakes, A's for a long sea. O is for onshore air, S is for starry house. What a tale for certainty. P is for pink wood house, O is for all drum cage, I is for ivory's key. N is for number 9, strawberry number 9, T is for a triumph. Same instead for

He sees love.

staff. It's a hand of glass. Thank you. Change. try to keep for themselves, and everyone tried to bring me back. They tried to ask, they even knew what to ask. I never said it was my path. They tried to set me on fire, they called it coward and liar. I was confused and reserved, but not afraid. If something forces you to leave the rest of the group, remember winter is dead. Say loud, oh winter's dead. Oh winter's dead. I see myself and all the rest. Your madness is gone, so hold my hand. I am begging for the winter's end. Oh, oh. C'était lourd, ça. Hein? Stickman, c'est le groupe là, avec Mastelotto, Reuter et Tony Levine. D'ailleurs, qu'on va aussi entendre sur le nouveau David Bowie, c'est peut-être pas dans le même style, mais non, moi, j'adore Bowie, c'est sûr que je vais me procurer ce disque-là juste pour l'entendre aussi, M. Levine, qui est partout, d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est tout nouveau. Et le groupe va être en concert, on me dit, à Montréal, mais je me rappelle plus de la date, c'est bientôt. Le 22 mars? OK, c'est ce mois-ci. Donc, Stickman. Tout juste avant, on avait Psychopraxis. Et c'est tout un nom, ça. Psychopraxis. j'ai pas de renseignements sur ce groupe-là exactement. Il faudrait que je fouille un peu plus. Et puis, on avait avant ça la Mascara di Chera. Ça, par contre, j'en ai beaucoup d'infos. Là, ça, il n'y a pas de doute. Donc, on écoutait la version anglaise de Les Portées de Domani. Ça s'appelle. En anglais, c'est The Gates of Tomorrow. Et vous savez un peu l'histoire là, qui entoure ce disque-là. C'est Fabio Suventi qui a eu l'idée d'écrire une suite à Felona y Sorona de Liorme. À ma connaissance, il n'y a personne qui avait eu cette idée-là de faire une suite, surtout quand c'est pas ton disque, de faire une suite à un disque dont tu n'es pas l'auteur. Ça se fait au cinéma, mais à ma connaissance, il n'y a personne qui avait fait ça encore en musique rock ou rock progressif. Et à l'époque, Liorme avait sorti le disque en anglais et en italien. C'est ce que la Mascara a fait aussi. Je pense, sauf erreur, là, j'ai écouté la version anglaise est sortie un petit peu après, dans le cas de Liorme. C'était Peter Hamill qui avait adapté des textes. C'est pas le cas pour la Mascara di Chera, mais enfin, c'est The Gate of Tomorrow en anglais et Les Portées del Domani en italien. Dernière demi-heure pour Terra Incognita. Je vous avais parlé au début d'un Argos, leur nouveau, Creel Symmetry. On va en écouter un bon extrait dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de CKRL MF 89.1. C'est Terra Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibels. Vous les voyez sur les planches des théâtres à Québec ou dans votre bonne vieille télévision. Mais cette fois, les comédiennes Québec envahissent le bal du lézard avec à leur côté des improvisateurs d'expérience en or. La soirée d'improvisation théâtrale, c'est un concept sans compétition dans le but de permettre aux joueurs de créer en toute liberté. Les équipes s'affrontent tout au long de la saison en s'armant à chaque match de joueurs qu'ils pigent dans un bassin de comédiens improvisateurs. C'est jeune, c'est frais, c'est le fun. La cite, les dimanches à 20h au bal du lézard. Restaurant Latena, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue, 89. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé que le radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Quiet circle and empty square, sharing a relation in frozen time. Coupled in this strange geometry, everything has a cruel symmetry, everything. Thank you. sipping a beat, still you're in time. Please don't be fooled, captured and ruled, glued to a seat, cut down to blocks, your home is a box. I don't think that's real. Things we wear as masquerade

sur ces petites notes relaxantes. C'est un extrait du disque de Johannes Lully, qui était guitariste au sein de Mott Vellum. Peut-être certains s'en rappellent de cette formation californienne. C'est son premier essai solo, Tales from Sheep Father's Grove. C'est sorti il y a quelques semaines. C'est un peu, comment je pourrais vous résumer ça vite, peut-être on peut comparer ça peut-être au Alias of Son Ilo de John Anderson. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Moi, j'aime bien. C'est sûr que c'est... si vous cherchez des grandes performances instrumentales, c'est pas ça. Là. C'est plus atmosphérique. Atmosphérique, oui, mais avec quand même un petit peu d'épices. Et puis, tout juste avant, on avait Argos, une longue pièce là, de leur plus récent disque, Cruel Symmetry. Et c'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Restez des nôtres pour l'autoroute. Et puis, n'oubliez pas d'avancer votre heure si vous ne voulez pas avoir des surprises demain matin. Donc, Michel et Bruno qui vous salue, qui vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château-Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dôme Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca en passant par PayPal ou écrivez-nous à réservation@ckrl.qc.ca. En 2013, CKRL a 40 ans. Et c'est grâce à vous. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus